Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortunéo.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Atanor. C'est une histoire folle, où se rencontrent, pour le pire et le pire, des francs-maçons, des militaires de la DGSE, un commandant de police spécialisé dans le renseignement, un pilote de course, des chefs d'entreprise prospères, un syndicaliste, une formatrice de coach, un élu ou encore un agent de sécurité. C'est une histoire folle, en mode dérive. Des individus qui glissent dans le crime comme une voiture dérape sur le verglas pour finir dans le mur. Ou plutôt, entre les murs d'une prison pour une partie des protagonistes. C'est l'histoire folle d'une abolition du sens moral, au nom d'ambitions douteuses et d'argent facile. C'est l'histoire folle de manipulation, de mensonges, tellement grossiers qu'on se demande encore comment certains ont pu y croire. Atanor, c'est une loge franc-maçonne incontrôlable, au sein de laquelle deux hommes faisaient tourner une petite officine de gros bras devenue tueur à gages, les premiers persuadant les seconds qu'ils tabassaient et tuaient au nom de l'État. Car il y a eu expédition punitive, meurtre, tentative de meurtre et incendie volontaire, les faits sont graves. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, auteur d'une série de 6 articles sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est une petite rue de banlieue, terriblement banale, où des résidences de 3 ou 4 étages côtoient des pavillons récents et des maisons en meulière. Les voitures qui stationnent là ne sont ni luxueuses, ni misérables. Elles sont moyennes, banales. Pourtant, un riverain remarque cette Clio noire, qui n'a rien de remarquable, sauf qu'elle est à moitié garée sur un passage piéton, et que surtout, sa plaque arrière est mal fixée. Plus encore, ce sont les occupants qui attirent l'attention de ce plombier qui passe devant, après avoir déposé son fils à la crèche. Les deux hommes sont habillés en noir et portent des gants. Bizarre, en ce jour d'été, le vendredi 24 juillet 2020. Le passager fait semblant de dormir, le conducteur surveille du coin de l'œil ce passant inquiet qui appelle la police. On ne sait jamais, hein. Après tout, on entend tellement de choses de nos jours. Quelques minutes plus tard, des gardiens de la paix arrivent rue de l'Espérance à Créteil. Une chose leur saute aux yeux, la plaque d'immatriculation est grossièrement fixée avec du scotch, et quand ils vérifient, elle correspond à un Kangoo, pas une Clio. Les deux hommes à l'intérieur sont alors interpellés, aucun n'a de papier d'identité. Dans l'habitacle, les policiers découvrent un 9 mm et une balle engagée, prêts à faire feu. Au même moment, Marie-Hélène Dini sort de chez elle. Elle est en retard à son travail et se dirige vers l'attroupement qui bloque la rue de l'Espérance. Elle ne le sait pas encore, mais la balle était pour elle. Quant aux deux hommes interpellés, très vite, ils préviennent les policiers. « Nous sommes militaires, nous sommes en mission pour le service action de la DGSE. » 10 jours plus tard, le 3 août, le journal parisien titre, deux agents de la DGSE arrêtés pour un projet de meurtre. Les autres médias embrayent, comme France 3. Alors, ce que l'on sait ce soir, c'est que les deux agents secrets français ont été interpellés dans la nuit du 23 au 24 juillet dernier à bord d'une voiture en possession d'armes. Ces deux hommes appartiennent tous les deux au prestigieux service action de la DGSE, mais aujourd'hui, ils sont suspectés d'avoir eu le projet de commettre un meurtre dans le cadre d'une affaire totalement privée. Alors, très peu d'informations à filtrer sur cette affaire forcément sensible, puisqu'elle met en cause les services secrets français, mais ce soir, le parquet confirme que les deux agents secrets français ont été incarcérés suivant les réquisitions du parquet. Si les journalistes en sont encore à commenter l'interpellation de ces deux agents du prestigieux service action, les enquêteurs, eux, savent bien que les deux hommes sont tout sauf des pointures sortis du bureau de légende. Celui qui était au volant de la Clio s'appelle Carl Esno et le passager Pierre Bourdin. Oui, ils sont militaires. Oui, ils sont employés par la DGSE qui les a surnommés, comme c'est l'usage, Adelard et Dagobard. Mais aucun des deux n'est agent de terrain. Ce qu'ils en connaissent du terrain, c'est celui qu'ils gardent, le camp militaire de Sercotte, en Sologne. C'est effectivement un centre d'entraînement du service action, mais eux ne sont que des plantons. En garde à vue, Adelard et Dagobard n'en démordent pas. Ils ont été missionnés pour abattre Marie-Hélène Dini au nom de la France. C'était d'ailleurs pour eux le moyen de gravir les échelons, d'être pris au sérieux, enfin, d'être autre chose qu'un subalterne en treillis qui fait des rondes et patiente dans une guérite. Bien. Mais pourquoi Marie-Hélène Dini? L'avocat de cette dernière, Maître Vézinet, répond à cette question en mai 2021 dans Secret d'Info sur France Inter. Les premiers éléments qu'il livre, c'est qu'il travaille pour le compte de la DGSE et assez rapidement, il consentent à dire qu'ils étaient là pour éliminer ma cliente pour le compte de l'État, estimant que celle-ci présente un danger pour les intérêts de la France, puisqu'elle ferait, d'après eux, de l'intelligence économique et elle serait une espionne à la solde du Mossad. Au lendemain de l'interpellation de Dagobard et Adelard, la brigade criminelle passe 8 heures à retourner l'appartement et les véhicules de Marie-Hélène Dini, sans rien trouver. Interrogée, elle ne comprend pas de quoi lui parlent les enquêteurs. C'est comme s'ils évoquaient une autre personne. Non, elle ne travaille pas pour le Mossad ou pour quelque autre service étranger. Elle est une ancienne comptable, reconvertie en coaching. Qui pourrait vouloir la tuer? Non, Marie-Hélène Dini ne voit toujours pas. Les enquêteurs non plus ne voient pas très bien, mais ils avancent. Et 48 heures après, ils interpellent un troisième homme. La piste n'a pas été très compliquée à remonter. Ils ont fouillé dans un téléphone retrouvé au pied de Dagobard dans la Clio. Et les policiers partent donc le dimanche 26 juillet arrêter Sébastien Leroy dans son appartement parisien. Troisième homme, troisième surnom, Arrows, la flèche. Mais lui n'appartient pas à la DGSE. Le trentenaire est agent de sécurité. Et en garde à vue, il nie. Je ne connaissais pas ces personnes, je ne les ai jamais vues. Je n'étais pas au courant d'un projet d'assassinat. Je fais de la filature, mais pas d'assassinat, moi. Alors, poursuit l'enquêteur, expliquez-nous pourquoi vos empreintes digitales se sont retrouvées sur la fausse plaque de la voiture. Et là, le roi se met à table. Oui, il a fourni la voiture aux deux autres. Oui, il a filé Marie-Hélène Dini. Oui, il a collé une balise sous sa voiture pour ne rien rater de ses déplacements. Mais il n'a pas fait que ça. Quelques semaines avant la tentative d'assassinat, lui et un complice ont tabassé Marie-Hélène Dini devant chez elle. Ils lui ont volé son ordinateur. Mais il le répète aux enquêteurs, il travaille en sous-main pour la DGSE. Que ce soit vrai ou faux, importe peu pour l'instant. Les policiers de la crime tiennent le commando du tueur. Reste maintenant à trouver le commanditaire. Et c'est le roi qui aiguille les enquêteurs. Son donneur d'ordre, c'est un agent secret encore un, qu'il a baptisé le vieux et dont il connaît le prénom, Daniel. Cet homme de 60 ans n'est pas un agent secret, mais un ex-policier reconverti dans la sécurité privée. Plus de 30 ans de carrière en renseignements généraux, puis à la DCRI, le FBI à la française, créé par Nicolas Sarkozy. Beaulieu est arrêté en janvier 2021 et tout de suite il reconnaît. Oui, c'est moi qui ai chargé le roi de recruter des tueurs pour abattre Marie-Hélène Dini. Beaulieu et le roi se sont rencontrés 8 ans plus tôt. Et voici ce que l'avocat de ce dernier, Maître Antoine Horry, dit de leur relation devant les caméras de complément d'enquête en mai 2022. Au moment où ils se rencontrent, il lui explique qu'il est officier traitant à la DCRI et qu'il travaille pour les opérations spéciales. Il y croit donc? Il a de bonnes raisons d'y croire parce qu'encore une fois, Daniel lui-même est un ancien des services secrets, mais en tout cas c'est quelqu'un qui sur ce plan-là est extrêmement crédible. C'est quelqu'un qui a officié pendant plusieurs dizaines d'années à la DCRI. Donc forcément, si vous voulez, quand une personne comme ça s'adresse à vous, que vous avez 22 ans et que vous avez des étoiles dans les yeux quand on vous explique que vous allez peut-être faire ça, vous y croyez. Daniel souhaitait avoir des équipes opérationnelles sous la main pour vraiment multiplier les contrats homo, comme ils disent. C'est-à-dire les contrats homicides, voilà. D'État. Présentés comme tels. La DGSE a effectivement la possibilité et la capacité de tuer sur ordre. En théorie, jamais sur le sol français, toujours à l'étranger. Mais ces missions sont rares et planifiées à l'extrême. Alors, dans ce même numéro de complément d'enquête, l'idée que les deux plantons, oui, des plantons de la DGSE, aient pu se croire chargés d'une opération homo fait doucement rigoler Pierre Martinet, un ancien du service action. Franchement, ça tient pas la route. Et pourquoi ? Mais parce que ça se passe pas comme ça. C'est un truc sérieux, quoi. Imaginez-vous deux secondes. Nous sommes des fonctionnaires, des militaires, donc on est payés. Vous croyez qu'on touche du fric en plus pour... Tiens, tu vas aller faire une mission homo, on va te payer un peu plus d'argent, on va te donner un peu d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est du travail minutieux, de très longue haleine, qui demande beaucoup de travail de préparation, beaucoup de réunions, beaucoup... C'est énorme, hein, sur le plan administratif. Hein. Même à la fin, on n'appelait plus le service action, on appelait le service administratif, tellement on avait de réunions, de comptes rendus. Donc vous voyez, on n'est pas tamponné au bord d'un lac pour nous dire tiens, on va tiens 10 000 balles pour aller faire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Récapitulons. Beaulieu manipule un modeste agent de sécurité en lui faisant croire qu'il agit au nom de l'intérêt national. Le roi répercute et recrute deux plantons de la DGSE rencontrés un soir par l'intermédiaire d'une connaissance commune, les deux étant persuadés d'être les futurs 007 français. Mais il reste cette lancinante question. Pourquoi vouloir abattre Marie-Hélène Dini ? La réponse se trouve à Puteaux. C'est dans cette ville de la petite couronne parisienne que se tiennent une fois par mois les réunions de la loge maçonnique Athanor. Beaulieu y côtoie notamment un certain Frédéric Valliot, ancien journaliste, ancien communicant, devenu patron de société de sécurité et d'intelligence économique. Un beau parleur, ce Valliot. Dans un PV de garde à vue publié par Mediapart, il déclare « Cette affaire m'a été apportée par Valliot. Il m'a demandé si je connaissais des gens qui pouvaient mener une opération musclée sur une personne. Je lui dis que oui, ça pouvait se faire. » Marie-Hélène Dini est donc une première fois passée à tabac. Puis Valliot insiste auprès de Beaulieu, il faut la tuer. Alors, ce dernier contacte le roi et le convainc. « Je l'ai amené à croire qu'il s'agissait d'un contrat d'État », ajoute-t-il devant les enquêteurs. L'histoire du Mossad rendait la chose crédible. Arrose m'a cru sur parole. Et voilà comment Dagomar et Adelard se retrouvent chargés de tuer Marie-Hélène Dini pour 30 000 euros, leur part sur les 75 000 que touche Valliot. Car ce dernier n'est pas le vrai client. Lui n'a aucune raison d'en vouloir à la quinquagénaire de Créteil, à part l'argent. Non, le vrai client, c'est encore un membre de la loge maçonnique Athanor, Jean-Luc Bagure. Celui-là a dirigé une entreprise de formation en coaching. Et c'est un concurrent de Marie-Hélène Dini, un concurrent anxieux. Parce qu'elle a pris la tête d'un syndicat, parce qu'elle veut réglementer la profession et parce que Bagure craint de perdre des clients, il lance un contrat sur la tête de sa rivale. Au cours de son audition, rapportée ici par l'émission Secret d'Info, il finit par reconnaître les faits. J'ai dit à Frédéric que ça ne pouvait plus durer. Je me suis entendu dire qu'il pouvait régler mon problème, mais pour cela, il fallait qu'il emploie les grands moyens. Il m'a demandé si je comprenais bien ce que cela voulait dire et ce que cela impliquait. Je lui ai dit oui à deux reprises. Je reconnais que notre relation était irrationnelle. Le voir devant moi pendant des années, circulant avec une arme à la ceinture, être capable d'obtenir des informations sensibles, ça me tournait un peu la tête. Je me rends compte qu'il avait une emprise toxique sur moi. Moi qui n'ai jamais volé une pomme de ma vie. Les aveux de Bagure vont plus loin. Toujours par l'intermédiaire de Valliot et Beaulieu. Il a par le passé terrorisé une ex-associée. Piratage informatique, surveillance physique, pneus crevés, rats empalés devant la maison. Et là aussi, l'issue aurait pu être dramatique. Les gros bras envoyés par les très chers frères de Bagure mettent le feu à la voiture de son ex-associée. Les flammes lèchent la façade de la maison dans laquelle dorment deux petites filles. Heureusement, la famille réussit à sortir. Satisfaction en tout cas à la brigade criminelle, le dossier Dini Bagure est clos. Il raconte une histoire de dérives personnelles qui s'ajoutent les unes aux autres. Le franc-maçon Bagure, en difficulté professionnelle, mandate son frère Valliot pour se débarrasser de ses problèmes. Ce dernier mandate à son tour son frère Beaulieu, qui sous-traite à le roi, qui envoie les plantons de la DGSE. Ce que ce dossier dit également, c'est à quel point ses protagonistes ont abandonné tout sens commun, toute rationalité. Bagure veut faire tuer ses concurrents, rien que ça. Valio se voit et se vit en Deus ex machina du crime. L'ex-policier Beaulieu dirige de fait une officine de tueur à gages. Les deux plantons de la DGSE croient dur comme fer que le service les juge suffisamment compétents pour être des agents de terrain, voire des tueurs d'État. Tout cela paraît fou, insensé. Enfin, pas totalement. Valio est très terre-à-terre quand il s'agit d'argent. La tentative de meurtre a été facturée à Bagure 75 000 euros, on l'a dit. Une facture très officielle, évidemment avec des prestations fantaisistes. Mais ça a permis de récupérer la TVA. Fin de l'histoire ? Non. Car comme l'écrit le journaliste Mathieu Suc dans Mediapart, le dossier d'Ini se referme. Pour autant, les policiers n'imaginaient pas qu'en poussant les différents protagonistes aux aveux, ils allaient ouvrir une boîte de Pandore. En garde à vue, les frères de la loge Atanor se révèlent intarissables à propos d'autres crimes. Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Atanor. France Inter, Affaires Sensibles. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2021. Depuis 6 mois, 3 hommes dorment en prison. Adelard Edagomar, 2 sous-fifres de la DGSE, et Sébastien Leroy, un agent de sécurité privé qui les a recrutés pour tuer Marie-Hélène Dini. Heureusement pour cette femme sans histoire, leur tentative n'a pas abouti. Et en cette fin du mois de janvier, la brigade criminelle tient les commanditaires, 3 hommes donc, 3 frères, au sens maçonnique du terme. Il y a là l'ex-flic Daniel Beaulieu, celui qui a fait croire aux hommes de main que leur cible était une espionne étrangère à faire disparaître au nom de la raison d'État. Il y a là encore Jean-Luc Bagure, rival professionnel de Marie-Hélène Dini, le commanditaire donc, et puis Frédéric Valio, le facilitateur. Lors de son audition, rapportée par Mediapart, un enquêteur interroge Valio qui vient de reconnaître son rôle dans l'affaire Dini. Souhaitez-vous évoquer autre chose, monsieur Valio ? Oui, j'aimerais prendre un verre d'eau, puis je vous parlerai ensuite. Et il parle. Et cette fois, il parle d'un meurtre, un vrai. Là encore, l'histoire paraît invraisemblable une fois posée sur le papier. En 2018, Valio rencontre sur un circuit automobile un couple d'une 60aine d'années, passionné de course comme lui. On sympathise, on discute et on finit par raconter ses soucis. Et le couple en a un qui pèse 100 000 euros, qui est pilote professionnel et qui s'appelle Laurent Pasquali. Oh, ça ne les empêche pas de vivre. La vente de leur laboratoire d'analyse médicale dans les Hauts-de-France les a rendus millionnaires, mais quand même, 100 000 euros, ce n'est pas rien. En mai dernier, voici comment l'avocate du couple, Corinne Dreyfus-Schmidt, présente les choses au magazine Complément d'enquête. Les époux sont des fans de courses automobiles. Et donc, ils ont rencontré Laurent Pasquali sur des rallyes, des compétitions automobiles, jusqu'au moment où M. Pasquali a demandé une aide financière. Ils ont une situation économique plutôt florissante et qui leur donnait la possibilité de lui prêter 100 000 euros. Cet argent, Laurent Pasquali est censé l'avoir remboursé depuis 4 ans. Or, malgré les relances du couple, malgré une décision judiciaire, le pilote, deux fois champion de France, ne règle pas sa dette. Frédéric Valliot, toujours prêt à rendre service, demande à Daniel Beaulieu de retrouver la trace de Pasquali. Et c'est Sébastien Leroy qui se met en chasse et qui fait le sale boulot. Il retrouve l'adresse du pilote à Levallois-Perret, en région parisienne. Un soir de novembre 2018, avec un complice, il l'attend dans son parking et, selon Leroy, son acolyte tue Pasquali d'une balle dans le cœur. Leroy dira plus tard aux enquêteurs que c'était la première mission homo que Beaulieu lui confiait. Beaulieu dira, lui, que jamais il n'a été question de meurtre. Mais voilà, il y a maintenant un corps étendu là, sur le sol du parking. Ensuite, Beaulieu appelle Valliot, dont voici la déposition transcrite par l'émission Secret d'Info. Daniel m'a dit, il y a juste un problème, ils ont buté le mec. Ils sont rentrés dans le garage, ils l'ont suivi, et puis boum, ils lui ont tiré dessus. Je lui ai dit, ça va pas, c'est quoi ce truc? Il m'a dit, bah ça arrive. Saviez-vous ce que Beaulieu ou son équipe ont fait du corps de Laurent Pasquali? Daniel m'a raconté qu'ils avaient emmené le pilote je ne sais pas où, qu'ils avaient fait beaucoup d'heures de route. Il m'a montré une photo du pilote. J'en ai déduit qu'il l'avait emmené dans une forêt. L'individu avait un sac en plastique sur la tête. Il était en chien de fusil dans un trou. Le corps de Pasquali, disparu un an avant, est retrouvé un dimanche de septembre 2019 par un cueilleur de champignons dans une forêt de Haute-Loire, pas loin du village où a grandi Sébastien Leroy. Arrêté, le couple de passionnés de course auto tombe de haut. C'est des malades, ces mecs, dit le mari aux enquêteurs, qui semblent persuadés que le couple ne voulait pas la mort de Pasquali. Et pour cause, une fois le pilote mort, qui allait leur rembourser les 100 000 euros prêtés? La mécanique en place dans ce meurtre est glaçante et illustre le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler le système Valliot. Il reçoit des doléances et assure qu'il peut résoudre le problème. Il appelle Beaulieu, qui raconte un bobard à Leroy, à base de raisons d'État et d'intérêt national. Ensuite, charge à Leroy, persuadé d'être un agent clandestin de la France, de faire le nécessaire, soit lui-même, soit en déléguant, comme dans l'affaire Digny avec les plantons de la DGSE. Voilà donc un autre dossier qui se referme pour la crime. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire pour les frères de la loge Atanor et leur petite main du crime, car ils ont encore des choses à raconter. Comme Sébastien Leroy. En prison, il a eu le temps de comprendre qu'il n'a été qu'un jouet pour Beaulieu et Valliot, un pion commode et crédule, perdu dans un jeu qui le dépassait. Oui, le trentenaire a avalé tout ce que Beaulieu lui disait. DGSE, Mossad, service secret, mission clandestine, la France, tout ça. Mais il ne faut pas pour autant le réduire à une marionnette. Dans son journal intime, saisi par la police, il écrit « Je sens que je suis fait pour ça. C'est étrange comme sensation que de gagner de l'argent pour défoncer quelqu'un. » Mais dans sa cellule, le roi a le temps de réfléchir à ce qu'il a fait, à ce qu'on lui a demandé de faire. Alors il balance. Sa première mission, c'était en 2016, à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. Le 11 octobre, le journal Le Parisien titre « Saint-Maur, le conseiller départemental hospitalisé après un guet-apens ». Mais qui pouvait bien en vouloir à cet élu, Jean-François Le Héloco, au point de le rouer de coups dans son jardin, un matin, sous les yeux de sa femme enceinte? Réponse, Frédéric Valliot. Pourquoi? Parce que Héloco était un adversaire politique local de la compagne de Valliot. Frédéric Valliot se met en colère quand un adversaire politique, Jean-François Le Héloco, accuse sa compagne de détournement de fonds publics. C'est un monsieur qui a pendant des années écrit, propagé, diffusé le maximum de méchanceté, d'horreur et de fausses rumeurs sur ma compagne. J'ai demandé clairement à ce qu'on lui casse la gueule. Valio confesse plus tard aux enquêteurs qu'à partir de là, il était pris dans un tourbillon. Ce passage à tabac est le premier acte de sa carrière criminelle. La première collaboration avec Beaulieu en chef des opérations et le roi en exécutant. Pour l'anecdote, la compagne de Valio a par la suite été condamnée pour détournement de fonds. Mais revenons un instant sur Valio lui-même, prospère patron de société de sécurité. Le quinquagénaire aime porter une arme à la ceinture, adore laisser entendre qu'il sait beaucoup de choses et connaît beaucoup de monde, en glissant dans les conversations des mots comme « opération spéciale » ou « service ». Un beau parleur, un manipulateur, comme le présente l'un de ses anciens employés, interrogé par France 2 en mai 2022. Il me disait, voilà, tu suis telle personne, tu prends des photos de telle personne, je faisais, je lui envoyais. Il nous demandait de pénétrer des propriétés privées. Et après, ouais, plus l'émission passait, bah, il me demandait effectivement si ça devait aller plus loin, est-ce que j'étais chaud, quoi. Plus loin, c'est-à-dire ? Il nous a dit si on était prêt à kidnapper quelqu'un et le foutre dans le coffre de force, est-ce que ça serait faisable pour nous ? Et vous avez répondu quoi ? J'ai répondu que c'était pas dans nos attributions. Après, moi, je me suis embrouillé avec lui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un de très manipulateur, qui se croit au-dessus des lois. Manipulateur, Valio l'est nettement moins au 36 devant les policiers de la brigade criminelle. Et dans la salle d'interrogatoire, il ne se croit plus au-dessus des lois. Il pleure, il se lâche et ajoute une nouvelle histoire, un nouveau contrat, un copier-coller des précédents dans le mode opératoire. Tout commence par une rencontre, en 2018, lors d'un événement organisé par une marque de montres de luxe. Valio y rencontre un couple, Muriel et Gérald Millet. Lui dirige une entreprise de BTP, elle une société de fabrication de pièces en plastique à Isnor, dans l'Ain. Comme dans le dossier Pasquali, on sympathise, on échange, et puis on se confie. Muriel surtout. Elle dirige avec Laurent, son frère, l'entreprise créée par les parents, mais développée par eux. Et franchement, tout va bien. Sauf cette Hassan. C'est un bon employé ce Hassan, certes. Mais quand même, pendant la crise des Gilets jaunes, il passait ses soirées sur les ronds-points. La preuve, un journal local l'a pris en photo et ça, Muriel n'apprécie pas. Alors, elle se tourne vers Valio. Et voici comment il présente les choses lors de sa déposition, selon Secret d'Info. La patronne de l'entreprise m'a dit « On a un gars qui n'arrête pas de nous emmerder. En plus, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas virer. » C'était le délégué CGT du site. Elle m'a dit « Parfois, j'aimerais bien lui casser la gueule. » Son mari a renchéri sur le sujet et ça s'est fini par « Si on ne l'avait plus... » Qu'est-ce que ce serait bien ? Je leur ai dit que c'était des choses qui pouvaient exister. Ils ont réfléchi 2 ou 3 semaines. Et ils ont dit « Ok ». J'en ai parlé à notre ami Daniel. Il m'a répondu tout de suite qu'il s'en occupait. Je me souviens qu'il m'a dit que ses tarifs étaient compétitifs. Pour le neutraliser, il demandait 50 000 euros. Je sais qu'il a envoyé des gens sur place faire de la surveillance. Et ce n'est pas très compliqué de deviner qui va passer un peu de temps dans l'Ain en cet hiver 2020. C'est Sébastien Leroy, bien sûr, que Beaulieu a appelé après avoir été missionné par Valio. Toujours ce même schéma. Pendant une semaine, Leroy photographie Hassan au travail, Hassan sur la route, la compagne d'Hassan, leurs 2 petites filles, leur école. Et toutes ces photos, les enquêteurs les présentent à Hassan. Il en témoigne en 2022 dans Complément d'enquête. De ce que j'ai vu, moi, dans les dossiers, il y avait des photos de ma maison, les voitures, les routes qu'on prend, au boulot. Vous ne vous êtes pas rendu compte d'avoir été surveillé du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Je me suis rendu compte de rien. Avec son téléphone, Sébastien filme cette rivière. À cet endroit précis, où d'après les enquêteurs, il aurait envisagé de se débarrasser du corps du syndicaliste. Le paquet, comme il l'écrit dans ses notes. Une rivière à quelques kilomètres de la maison d'Hassan. Cette rivière, c'est une route qu'on prenait 2 à 3 fois par semaine. Encore aujourd'hui, avec tout le recul qu'il y a, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Moralité, si Hassan est toujours vivant aujourd'hui, il le doit beaucoup à Marie-Hélène Dini. Parce que si la coach de Créteil n'était pas sortie en retard de chez elle, le 24 juillet, peut-être que les deux plantons de la DGSE qui devaient la battre devant chez elle n'auraient pas inquiété un riverain. Qui n'aurait pas appelé la police? Qui n'aurait pas arrêté les deux hommes? Qui ne serait pas passé à table? Et le contrat sur la tête d'Hassan n'aurait pas été abandonné. C'est seulement parce que le système Atanor, cette officine de tueur à gages, a été démantelée que le syndicaliste a échappé à la mort. Alors, 3 ans et demi après l'arrestation de Dagomar et d'Adélard, point de départ de cette histoire, où en est l'affaire Atanor? Le juge d'instruction a terminé ses investigations et 23 personnes sont mises en examen. Au fil des pages du dossier, il y a un meurtre, des tentatives de meurtre, des passages à tabac, des incendies volontaires. Mais pourquoi cette incroyable dérive criminelle, cette abdication du sens commun chez tous les protagonistes, hein? Pourquoi un très prospère patron de société de sécurité, Frédéric Valliot, se met-il à proposer des exécutions et des agressions comme un commercial présente un catalogue de prestations? Comment un ex-policier du renseignement, Daniel Beaulieu, a-t-il pu se dire qu'après tout, faire tuer des gens plutôt que les protéger n'allait poser aucun problème? Comment un jeune trentenaire banal, Sébastien Leroy, a-t-il pu croire qu'il était un agent clandestin de la France, autorisé à tuer en son nom? Comment deux plantons de la DGSE, habitués à côtoyer de vrais agents, ont-ils pu penser qu'ils avaient été choisis, eux, qui végétaient dans une guérite de camp militaire, pour exécuter des missions secrètes? Et puis comment des retraités respectables, aisés, comment des chefs d'entreprise ont-ils pu se dire que, oui, faire tuer, tabasser, menacer quelqu'un allait résoudre leurs problèmes? Tout paraît tellement fou dans cette histoire, comique parfois. Mais ce serait oublier un cadavre enterré dans une forêt auvergnate. Ce serait oublier des corps recroquevillés par terre, roués de coups. Ce serait oublier des vies brisées. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Atanor, dont nous parlons avec notre invité Mathieu Suc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, auteur d'un feuilleton sur cette affaire, paru à l'été 2021, auteur également de plusieurs livres, dont le dernier paru chez HarperCollins en octobre dernier s'appelle Vendredi 13. Alors vous travaillez où? Vous avez travaillé sur le terrorisme, le grand banditisme, vous avez travaillé sur Carlos Ghosn également. Alors, cette affaire Atanor, est-ce que vous diriez qu'elle est à part des autres sujets que vous avez l'habitude de couvrir? Je vous répondrai oui et non. Non, elle n'est pas tellement à part parce que je travaille sur les questions aussi de renseignement à Mediapart et depuis pas mal d'années, enfin depuis que je suis à Mediapart, on a eu l'occasion de chroniquer, de documenter des dérives individuelles d'agents de renseignement au sein de services ou même de services entiers qui ont essayé de cacher des bêtises ou des choses comme ça. Par ailleurs, mon livre, qu'elle vous faisait référence sur Carlos Ghosn, en fait, c'est l'affaire des faux espions. Mmh. On voyait déjà des anciens des services qui, quand ils basculent dans le privé, n'avaient plus de limites et commettaient les pires turpitudes. Les faux espions de chez Renault, hein, voilà, on en a fait une affaire sensible. On a traité cette affaire-là, évidemment. Tout à fait. Et oui, parce que... c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand on traite de faits divers, il y a toujours une histoire, et même plus souvent qu'on ne croit, où on se dit, mais bon sang, je l'aurais écrit en roman, mes proches s'inquiéteraient pour se dire, est-ce que t'as toute ta tête et où est-ce que tu prends des drogues? Parfois, le réel a plus de talent que la fiction. Voilà. Et là, on a quand même... Enfin, vous l'avez très bien dit, mais enfin, à un moment, encore une fois, je ferai un roman en disant... une officine qui siège dans une loge maçonnique va employer des anciens des services, des militaires, des policiers, pour aller buter des concurrents ou des salariés de patrons de PME. Je pense que même Gérard de Villiers aura une pudeur pour écrire un SAS. On l'a dit dans le récit, cette affaire débute avec l'interpellation de deux militaires, se revendiquant de la DGSE. Quand vous voyez les premiers articles de presse sur le sujet, articles d'ailleurs assez imprécis, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que les opérations homo, c'est-à-dire il s'agit d'abattre quelqu'un, que c'est un ordre, sont discrètes. Hein, ces opérations discrètes. Et quand elles ne le sont pas, qu'il y a des bavures, souvenez-vous, l'émotion créée par l'affaire Greenpeace, voilà. Par exemple. Donc qu'est-ce que vous vous dites, vous? Eh ben, alors, j'ai un souvenir très précis. Il se trouve que quand Le Parisien sort l'information, je suis en vacances au fin fond du Finistère et je reçois un appel d'Edoui Plenel qui me dit, t'as vu ça, il y a quand même quelque chose de très bizarre. Et quand Edoui Plenel appelle, il a quand même un peu de flair. Donc je me dis, je regarde, mais encore une fois, je suis au fin fond du Finistère en vacances avec ma famille. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas pouvoir avoir de rendez-vous privé. En plus, on est en plein pendant la période estivale, avec des sources. Voilà. Donc je me dis, le premier réflexe que j'ai, je me dis, il faut que je fige une réponse de la DGSE. Donc je contacte officiellement la DGSE en disant, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? Et en me disant, on va voir. S'ils ne répondent pas, ou s'ils me font leur traditionnel pas de commentaire, c'est éminemment suspect. Et puis après, s'ils me parlent, on verra un peu ce qu'ils me disent. Et on est le soir, la nuit, on est dans le jardin de notre location. Je suis en train de manger des langoustines, je m'en rappelle très précisément. On va tout savoir de vos vacances. Hein. Voilà. Et la DGSE m'appelle, me répond, et me parle de tout ça. Alors leur première réaction, c'est non mais quand même, vous nous connaissez, on serait un peu plus habile que ça. Bon, ça c'est une réponse facile. Mais par ailleurs, alors ils me disent, mais attendez, c'est inadmissible. On parle d'agents de la DGSE. Oui, ils sont chez nous, mais ce sont des gardes-barrières. C'était pas encore sorti dans la presse. Et bien sûr que la DGSE peut me mentir et que je vais pas prendre pour argent comptant. Mais dans leur manière assez franche de me parler, déjà je me dis il y a un problème et vraisemblablement, enfin, l'opération homo financée, décidée au cœur de l'État me semble avoir un peu de plomb dans l'aile. Il se trouve que quand je vais revenir et que je vais commencer à travailler, je vais avoir des sources qui me laissent entendre ça aussi. Donc on a une affaire sur un fait divers, une affaire criminelle, voilà, plus classique, semble-t-il. Je n'exclus pas a priori et je vais continuer à enquêter avec cette idée aussi, c'est que cette affaire qui est un peu les poupées russes, on passe d'une affaire dans l'autre, on en découvre une autre. Effectivement, moi quand je lis les premiers articles, je me dis mais c'est imbitable, incompréhensible pour le grand public. Faut prendre un peu de recul et essayer de donner du sens à tout ça. Et c'est là qu'on va faire notre enquête. Alors déjà, c'est deux là, deux plantons de Sercotte. Mmh. C'est quoi Sercotte? Alors Sercotte, c'est un des trois centres du service action de la DGSE. Donc le service action, c'est le bras armé de la DGSE. Un peu comme le COS pour l'armée, pour les troupes officielles. Sauf que là, ce sont des gens qui agissent en civil. Donc c'est l'affaire du Rainbow Warrior, comme vous le rappeliez. Donc c'est le bras armé d'élite et clandestin, de l'État. Sauf que, et donc il y a trois camps d'entraînement. Par exemple pour les nageurs de combat, et Sercotte, c'est pour ceux nageurs de combat, c'est en Corse, hein, je crois. Et en Bretagne aussi. En Bretagne. Et là, donc c'est plutôt terre. Mm-hmm. Et c'est à la fois là qu'ils vont être formés et c'est aussi là qu'ils reviennent entre deux missions pour avoir un peu des réajustements ou des nouvelles formations. Donc ça, c'est le camp de Sercotte. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est top secret. Et à l'intérieur, il faut assurer une bulle de protection. Donc il y a des militaires très classique, hein, en tenue kaki, qui assure la sécurité, mais qui eux-mêmes n'ont pas de contact avec les agents secrets. Donc ces militaires-là, statutairement, font partie du service action, mais n'en font pas partie dans le sens où ce ne sont pas les clandestins. Donc comme l'information circule mal à ce niveau-là, on peut avoir ce genre de choses avec deux plantons qui se retrouvent, soi-disant, voilà, missionnés pour une affaire d'État et pour l'État. Et eux, quand ils discutent avec des gens qui sont du métier ou dans le privé, enfin, ou de société privée, et bien sûr, ils ne précisent pas qu'ils sont garde-barrière. Ils disent qu'ils sont au service action. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Alors, ce qui pose quand même la question de la crédulité des divers maillons de la chaîne. Pourquoi ils sont si crédibles? Ils pensent, dur comme fer, qu'ils font une opération pour l'État. Alors, ça les fait mousser? Oui, et par ailleurs, je vous disais tout à l'heure que cette histoire est extraordinaire au sens premier du terme. Mmh. Et en même temps, souvent dans ces histoires, on arrive sur quelque chose de presque médiocre, où on se dit, mais comment on peut en arriver là? Et en fait, dans cette histoire, tout le monde manipule tout le monde, et tout le monde a très envie de croire au mensonge de l'autre. Parce que, par ailleurs, ça nous valorise aussi de se dire, ah bah je vais travailler pour le compte de l'État, et tout ça, alors ouais. que... Vous l'avez très bien dit, comment penser quand vous êtes garde-barrière que l'État va aller va vous choisir vous pour aller éliminer une agente du Mossad. Pour vous expliquer comment ça se passe sur les missions du service Action, la DGSE va contacter le chef du camp de Serkotte en lui disant voilà, on a besoin de tant d'hommes avec telle qualification. Ils ne leur disent pas l'objectif de la mission. Et c'est le chef, enfin, la chefferie de Serkotte qui va décider parmi les agents clandestins qu'ils ont à disposition, dire quels sont les gens, et ils choisissent au gré des compétences, des complémentarités, et ils les envoient sans eux-mêmes, les chefs du camp ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils les envoient. Donc, imaginez que c'est tout ça dans un cadre très administratif, comme le disait Pierre Martinet, avec des ordres de mission. Imaginez qu'on va envoyer des simples gardes-barrières, par ailleurs en France. Ouais. En plus en France, pas à l'étranger. Voilà. Alors que la GSE n'intervient pas en principe en France. Voilà. Ces gardes-barrières pouvant, eux, exercer des missions à l'étranger, mais simplement pour garder déjà les barrières. De gardes-barrières pour des objectifs français. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Mathieu Suc, on s'est demandé comment les trois exécutants Adelard, Dagomar et Sébastien Leroy ont-ils pu croire qu'ils avaient été choisis pour tuer quelqu'un et défendre l'intérêt national, eux qui étaient des sous-fifres, mais également comment cet ancien policier de la DCRI, Daniel Beaulieu, compétent, expérimenté, a-t-il pu basculer lui aussi? Alors, c'est marrant, Ce week-end, nous avions le festival de Mediapart et on avait un atelier sur l'éthique du renseignement qu'on animait avec mon complice Yann Philippin. Et en fait, ça pose une question, c'est qu'en fait, ces espions, on leur demande dans leur travail de violer les lois éventuellement de la République ou de pays ennemis, voire amis. Genre les assassinats ciblés, par exemple. Oui, mais même sur de l'espionnage plus classique, mais moins violent, la base de leur métier, c'est justement de franchir toutes les barrières et de ne pas respecter des choses. C'est ce que l'État leur demande. Et après, quand ils basculent dans le privé notamment, faut pas s'étonner que parfois certains, bien sûr, c'est pas le cas de la grande majorité, franchissent encore plus loin ces barrières et pour là une raison qui ne serait pas noble ou en tout cas les intérêts de la nation, mais pour une raison purement crapuleuse. Et par ailleurs, il y a un élément de contexte que j'avais pu retrouver aussi dans l'affaire des faux espions de Renault, c'est que vous avez ces gens qui sont dans les services de renseignement. C'est des espions, ils se vivent, ou en tout cas, ils sont perçus par la population comme des James Bond. Et ils se disent, je vais arriver dans le privé, je vais gagner 5 fois mon salaire de fonctionnaire. Et en fait, ils montent leur structure, et la concurrence est extrêmement féroce. Et donc, c'est difficile. Et à un moment, ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Et quid de Valio, qui semble être la tête du réseau, Frédéric Valio? Alors lui, c'est... Il vient du monde opposé, c'est-à-dire qu'il est journaliste à la base, puis communicant. Il monte des entreprises, il fantasme cet univers des espions, et à force d'en côtoyer, il joue un rôle. Et là encore, il s'aperçoit qu'il y a de l'argent à gagner, mais c'est pas en restant dans les clous de la loi. Donc il passe outre. La DGSE a lancé une enquête interne sur ces événements. Alors je vous cite un militaire qui les militaires qui envisageaient le meurtre comme ascenseur social. Enfin que ce soit pour cette raison ou pour une autre, ça a créé un malaise au sein de la DGSE. Donc enquête interne, ça a donné quoi? Alors ils ont entendu tout un tas de gens à Serkotte, la hiérarchie de Serkotte et tous les gardes barrières qui côtoyaient Dagomar et Adelard. Et ils se sont aperçus que, en fait, beaucoup des 10 gardes barrières étaient au courant. Alors, pas de la... précisément des contrats, mais de ce que faisait Dagomar, qui se vantait énormément et qui cherchait à recruter certains de ses petits camarades. Voilà. Et en fait, la DGSE a un peu été victime de son propre système. C'est que vous savez, dans un service de renseignement, dans un service secret, il y a le traditionnel besoin d'en connaître. C'est-à-dire que j'ai pas à vous dire ce que je fais, même si nous travaillons ensemble, parce que voilà, faut préserver, cloisonner les secrets. Et ben là, vous avez cette espèce de camaraderie militaire et vous avez ce fameux besoin d'en connaître. Les uns et les autres se sont dit, bon, bah, c'est pas à moi d'en parler. Et en fait, tout le monde est au courant, mais personne n'en parle à la hiérarchie. Et donc, on ne peut pas arrêter la machine. Est-ce que la justice a pu faire son travail? Parce que j'imagine que c'est difficile avec des organismes comme la DGSE qui peuvent dire, bah non, monsieur le juge, secret d'État. Alors là, on était quand même sur des crimes. Et je dois dire que la DGSE a plutôt joué le jeu judiciairement. Encore une fois, il y a même le directeur de cabinet du directeur de la DGSE qui a été entendu. Tous les gens, toutes les demandes du juge ont été acceptées. Nous, ce que nous avons révélé juste dans Mediapart, c'est que la DGSE a pris soin de contacter les proches de certains des mises en cause et de rencontrer et d'auditionner avant les auditions des policiers ou de la justice certains de ces agents qui allaient être entendus. Donc, est-ce que c'était pour prévenir d'éventuelles patates chaudes qui allaient leur retomber dessus, ou pour orienter un témoignage, ça je ne sais pas. Cette loge Athanor, qui est-elle? Par qui est-elle fréquentée? Est-ce que le statut maçonnique leur a fait penser qu'ils étaient au-dessus des lois? Alors, c'est un peu comme pour le volet des agents secrets, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes sur la franc-maçonnerie. Bien sûr. Et le problème, c'est que ça attire aussi des gens qui ont ces fantasmes et ces idées-là. Et donc, toute puissance et de dire, bah, si je suis un frère, je serai protégé. Donc, c'est le cas des hommes dont vous avez parlé dans le récit. J'avais recueilli le témoignage d'un membre d'un service de renseignement qui avait été dans l'ancêtre de la loge Athanor, parce que la loge Athanor est le fruit d'une fusion de deux loges, et qui me disait que lui, il était intéressé par la franc-maçonnerie, par les réflexions que ça pouvait provoquer, et que il était arrivé dans cette loge et il avait vu que des gens qui cherchaient à avoir des services rendus par leurs frères, et que il s'en était méfié et qu'il était reparti. Donc c'était pas pour refaire le monde, c'était pour faire du réseau, quoi. Voilà. Essentiellement. Alors, dernière chose, il y a d'autres affaires qu'on peut peut-être lier à Athanor, je ne sais pas. Un temps, le Canard Enchaîné a évoqué une piste possible dans l'affaire de la tuerie de Chevaline. Je vous rappelle, c'est une famille entière qui est massacrée, tuée, auprès de sa voiture, le long d'un fossé. Oui, alors, c'est à l'heure où je parle, ça n'a jamais pu être établi. Ça semble être une fausse piste. Déjà, bah, la plupart des protagonistes étaient même pas majeurs. Enfin, les protagonistes de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui n'étaient pas majeurs à cette époque-là. À l'époque de Chevalier, d'accord. Alors, ça pourrait être une autre équipe actionnée par Daniel Beaulieu, mais il n'était pas encore, à ma connaissance, dans le privé. Là, je crois que ça relève plus du fantasme. Par contre, il y a une histoire, c'est un opposant congolais qui s'appelait Mbaou, qui a été victime de deux tentatives, enfin d'une tentative d'assassinat et d'un projet en France. Sébastien Leroy a dit au juge, alors qu'on lui posait même pas la question, qu'il avait reconnu cet individu et qu'on lui avait fait faire des filatures. Là, il y a quelques éléments qui peuvent intriguer, mais à l'heure où je vous parle, ça n'a pas abouti. Bien, et la tuerie de Chevaline reste aujourd'hui, au moment où nous parlons, un grand mystère. On ne sait pas qui a tué cette famille. Merci infiniment, Mathieu Sic. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Athanor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Aujourd'hui, à la technique, il y avait Jérôme Ragano.